Sur le pont du bateau de la croisière, Barbie et ses amis font leur jogging. Puis elles se retrouvent comme hier dans la piscine pour l'aquagym. Demain on fera une escale et l'on donnera un grand bal. Musica belle et colorée pour fêter la Méditerranée. C'est une super croisière. Le soleil est au rendez-vous. On glisse sur la mer. On rêve, on oublie tout. Elles arrivent à la cafétéria pour y boire un soda. Tout en blaguant, en bavardant ou en chantant. C'est une si belle journée ensoleillée. La joie est là, il faut en profiter. Prendre du bon temps, se faire bronzer. Sur les transats, se reposer. C'est une super croisière. Le soleil est au rendez-vous. On glisse sur la mer. On rêve, on oublie tout. C'est une super croisière. Le soleil est au rendez-vous. On glisse sur la mer. On rêve, on oublie tout.